Bonjour Richard, Serge Rivard de Signalisation Octa. Alors on est mercredi là, le 3 avril. Écoute, c'est un message de satisfaction à votre égard, à votre service. C'est au-delà de mes espérances. En quelques jours, là, vous nous avez envoyé des appels d'offres vraiment qui correspondent à notre domaine, alors de près ou de loin. Et c'est évidemment des appels d'offres avec d'envergure là, qui nous permet de voir des projets sous une dimension différente. Alors, c'est très apprécié. Alors, merci encore, Serge Rivard de Signalisation Octa au 450-641-0362, 450-641-0362, et bonne journée.